بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inshallah avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre explication sur l'étude de Kitab al-Tawhid, du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sa'ilin Allah al-Mawla an yanfa'ana bihada al-ilm wa an yaj'alahu fi mizan hasanatina jami'an kama nas'aluhu jalla wa ala al-ikhlasa fi al-qawli wa al-amal. Et de ce fait, on est toujours dans l'explication de ce chapitre concernant l'étude de deux noms sublimes parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salamu wa al-Mu'min. Donc on avait expliqué brièvement le sens et la signification de ces deux noms. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, par la suite, il a mentionné le hadith où il y a la citation de la formulation de ce qu'on appelle At-Tashahud. Donc c'est cette formule qu'on récite, qu'on dit lorsque on est assis dans la deuxième unité de prière, dans la deuxième rak'at, donc en position assise, à la fin de cette deuxième rak'at, donc à la deuxième assise, puisqu'on a fait, pour la deuxième rak'at, ensuite on fait une prosternation, on s'assoit, ensuite on fera une autre prosternation, donc cette première assise qu'on a mentionnée, c'est l'assise entre deux prosternations, ensuite une fois qu'on a fait la deuxième prosternation, là on se rassoit, et là ensuite on formule le At-Tashahhud. On fait cette formulation, on dit cela, et elle s'appelle, elle se nomme At-Tashahhud. Donc on va finir aujourd'hui, on va essayer de terminer certaines questions concernant At-Tashahhud, concernant l'explication de cette formule, et on va essayer de prendre certaines questions liées à cette formule, Inch'Allah. Et de ce fait, on terminera, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, l'étude de ce chapitre, bihawlillah. Ainsi, dans la dernière assise, la dernière allocution, On avait fait l'explication des significations, justement des mots et des termes qui étaient employés dans At-Tashahhud. On avait expliqué certains termes et on avait commencé donc l'explication des significations de ces phrases ou de ces termes qui sont dans At-Tashahhud. Et donc aujourd'hui, on va essayer de terminer cela. Et on avait terminé hier, on s'était arrêté, lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen, dans ce commentaire, il nous a expliqué le sens des salutations qu'on fait sur nous-mêmes, en notre faveur, et en faveur des serviteurs d'Allah pieux. En faveur des serviteurs d'Allah pieux et vertueux. Et donc, on avait appris qu'il y avait un ordre, donc dans cette formulation de At-Tashahhud, on avait appris qu'il y avait un ordre spécifique. On avait appris que lorsqu'on observe la formulation de At-Tashahhud, cette formule, on voit qu'il y avait un ordre. Premièrement, on a commencé par Allah Jalla wa Ala, par les salutations d'Allah Jalla wa Ala, en lui faisant les louanges et en disant At-Tahiyyatu Lillah, Was-Salawat, Wat-Tayyibat. Donc que les salutations, les prières, Wat-Tayyibat, soient sur Allah, c'est-à-dire que toutes celles-ci appartiennent à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Que ce soit At-Tahiyyat, que ce soit As-Salawat, ou bien que ce soit At-Tayyibat, toutes celles-ci n'appartiennent qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, quand elles sont mentionnées d'une manière absolue, comme at-tahiyyat, comme on avait expliqué cela dans la dernière assise. Donc on a d'abord parlé du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en second plan, on voit et on constate, hein, on constate qu'ensuite, il y a le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on salue le prophète. Ensuite, on implore pour lui la miséricorde et la bénédiction. Et donc, on avait explicité ces trois choses dans la dernière assise. Et troisièmement, ensuite, là, on invoque en notre faveur. Pourquoi? Parce qu'on se salue. On dit Assalamu alayna. Que, donc, dans une traduction littérale, on dira Assalamu alayna, que le salut soit sur nous. Mais lorsque on revient à l'explication, au sens qu'on a appris concernant la signification de Assalam, on voit que cela induit et dénote une invocation. Donc, on invoque ensuite en notre faveur. Ensuite, on invoque en faveur des serviteurs d'Allah, pieux et vertueux. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc hier, on avait bien mentionné, on a dit qu'il fallait bien prendre en considération cet ordre ici, qui est mentionné dans cette formulation, dans At-Tashahhud. Donc on s'était arrêté sur ça hier, et Cheikh Ibn Al-Thaymin ensuite nous avait expliqué, ou a expliqué dans son commentaire et son explication, le sens des serviteurs d'Allah, pieux et vertueux. Pieux et vertueux. Et donc on avait appris donc, en ce qui concerne la servitude, pourquoi? On a parlé de la servitude parce que ça vient du terme abd, ubudiyya, le terme qu'on traduit par soumission et servitude, le fait d'être serviteur du Créateur. Le terme servitude, c'est le terme en arabe ubudiyya. Donc ça vient de, vous avez vu le terme abd ou ibad au pluriel, ibad, ça vient du terme al-ubudiyya, qu'on traduit par la servitude. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit que les êtres sont serviteurs d'Allah, sont soumis à Allah, sont sous la servitude, hein, servitude de leur Créateur. On a dit qu'il y avait donc deux sortes de servitude. La première sorte, c'est celle qui est générale, c'est-à-dire que deux sortes de soumission, si vous voulez. Celle qui est générale, c'est-à-dire que tous les êtres, tous ceux qui peuplent la terre et les cieux, tous les êtres, tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre, comme il nous est dit dans un verset, eh ben, viendront au miséricordieux en tant que abden, dans le verset Allah, et on l'avait mentionné le verset hier, en tant que serviteur, en tant que soumis, si vous voulez. Donc c'est pour cela qu'en réalité, tous les êtres, toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah Jalla wa ala a créé est soumis en réalité à lui, subhanahu wa ta'ala, d'une servitude qu'on appelle d'une soumission universelle. Une soumission universelle. Et la deuxième soumission qu'on avait appris hier, c'est celle qui est plus particulière, c'est la soumission, l'humilité religieuse. La soumission religieuse. Donc c'est la servitude religieuse, si vous voulez. Et celle-ci, elle est particulière, spécifique aux croyants. Elle est spécifique aux croyants. Donc lorsqu'on parle de deux sortes de soumission et de servitude, il faut bien comprendre la nuance et la distinction qu'il y a entre les deux. Lorsque dit que tous les êtres sont serviteurs d'Allah d'une manière universelle, du fait que tout le monde en réalité, croyant ou non croyant, d'une manière universelle, tout le monde est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde est soumis aux ordres d'Allah, aux décrets d'Allah, à tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a prédestiné et décrété à sa manière de gérer cet univers. Donc tout le monde en réalité est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière universelle. Donc Allah Jalla wa Ala, c'est pour cela qu'il est le Seigneur de tous les êtres, de toutes ses créatures. Allah, il est le souverain subhanahu wa ta'ala et le maître de cet univers. Et donc tous ceux qui peuplent les cieux ou bien la terre sont serviteurs d'Allah et donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, de gré, de bon gré ou malgré, qu'il le veuille ou non. C'est pour cela qu'on dit que dans cette forme de servitude, aussi bien rentrent les croyants et les non-croyants, et ainsi aussi les animaux. C'est-à-dire que tous ces êtres vivants qui vivent sur terre sont soumis à leur créateur subhanahu wa ta'ala, qu'il le veuille ou non, bon gré ou malgré. Et ça, c'est très important à le savoir. En d'autres termes, donc tous les êtres, croyants ou non croyants, sont soumis aux ordres d'Allah universel. Sont soumis aux ordres d'Allah universel. Par contre, les non-croyants ne sont pas soumis à Allah, ils ne se sont pas soumis aux ordres religieux. Donc ils sont soumis, d'une manière générale, aux ordres d'Allah universels, tous les êtres sont soumis. Par contre, ils ne sont pas soumis aux ordres religieux. Cette servitude et soumission plus particulière et spécifique qui est la soumission religieuse. C'est pour cela qu'on dit que celle-ci est particulière, ou plutôt cette servitude-là et cette soumission-là est spécifique aux croyants. C'est pour cela que dans le tashahhud, il y a bien cette spécificité que lorsqu'on salue, on salue en notre faveur, c'est-à-dire on implore en notre faveur, ensuite les serviteurs d'Allah vertueux. Donc on voit bien que c'est pour cela que Cheikh Ibn Al-Haythamine a bien fait a bien mentionné d'une manière particulière cette subtilité du fait que ceux qui sont sous-entendus, c'est les serviteurs d'Allah, pieux et vertueux, ceux qui se sont soumis à lui d'une manière religieuse. Et c'est pour cela qu'ensuite, il nous avait expliqué le terme vertueux, le pieux, qui est le pieux, et on avait explicité cela à la fin de la dernière assise. Et donc, pour cela, maintenant, on va pouvoir continuer. Une fois qu'on a compris ces deux formes de soumission, donc c'est ça qui nous mène ensuite à comprendre le sens ici des soumis à Allah et de ceux qui font preuve de piété. Et donc, on voit qu'ici que lorsqu'on formule le tashahhud, eh bien, lorsqu'on va invoquer le salam en notre faveur, ensuite on va le demander pour les êtres pieux et vertueux. Donc on va continuer, inshallah. On va essayer de terminer l'explication du tashahhud, car vous allez voir, il y a des sens très importants et il y a de nombreuses questions à prendre qui tournent autour de ce tashahhud. Certains ont mentionné que at-tashahhud, c'était une sorte de conversation qu'il y avait eu entre le prophète et Allah. Et cela se serait produit pendant le voyage nocturne. Donc on voit beaucoup de gens qui lorsqu'ils font des exhortations, lorsqu'ils exhortent et lorsqu'ils parlent des bienfaits, par exemple, du at-tashahhud, donc ils mentionnent une histoire liée au tashahhud, à cette formulation, qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait dit ce tashahhud et que ce tashahhud aurait été une conversation entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète avait fait le voyage nocturne. Donc vous connaissez le voyage de l'ascension, lorsque le prophète avait fait le voyage nocturne, et en l'occurrence, le prophète, sallam, c'est pendant le voyage nocturne, lorsqu'a lieu l'ascension et le voyage nocturne, qu'il y a eu les prières, les cinq prières quotidiennes qui ont été rendues obligatoires à toute la communauté. En d'autres termes, ça serait pendant le voyage nocturne qu'il y aurait eu la prescription des cinq prières quotidiennes. Et donc, certains rapportent, on a dit certains sermonneurs qui font des exhortations et des prêches, parfois dans leurs prêches, ils rapportent cette histoire où justement il y aurait eu une conversation entre Allah Jalla wa Ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi cette conversation, donc, at-tashahhud. Du fait que le prophète sallam, arrivé au plus haut degré, c'est-à-dire des cieux, lorsque ensuite il y a eu cette conversation et cette discussion avec le Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aurait salué Allah avec ses salutations, en disant at-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Donc le prophète sallam, il est rapporté dans cette histoire que le prophète aurait salué Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là en disant at-tahiyat wa salawat wa tayyibat, et puis qu'Allah jalla wa ala lui aurait répondu à ses salutations en disant assalamu alayka ayyuhan nabi, que le salut soit sur toi au prophète, que le salut soit sur toi au prophète, et que ensuite le prophète sallam aurait répondu à ses salutations de son Seigneur subhanahu wa ta'ala par ensuite les salutations sur lui-même en disant Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Et ensuite, le prophète aura répondu avec cela en disant et que le salut soit sur moi-même ou sur nous-mêmes et sur les serviteurs pieux et vertueux. Et donc, de cette manière, le prophète ensuite aurait répondu au salam. Et donc, vous avez une sorte de conversation qui se serait produit entre le créateur, entre Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, certains rapportent cette histoire en disant que le tashahhud, l'origine du tashahhud, ça serait cette conversation. Et qu'à la base, donc, le tashahhud, son origine, c'est une conversation, un dialogue qu'il y a eu entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que les grands savants, les spécialistes, les grands savants disent que cette histoire n'est pas fondée. Que cette histoire n'est pas fondée et qu'il n'y a rien qui rapporte cela. Et qu'il n'y a rien qui rapporte ou qui prouve l'authenticité de cette conversation, ou bien ce dialogue, ou bien cette histoire qui est rapportée concernant l'origine du at-tashahhud. C'est pour cela que beaucoup de savants disent que cette histoire n'est pas fondée. Et donc il faut une preuve pour confirmer cette histoire, pour affirmer cette histoire, il faudrait une preuve, un récit authentique qui soit rapporté, qui puisse fonder réellement, et qu'on puisse fonder réellement, voir et confirmer que cette histoire serait réellement fondée. Fondée. Sauf que les savants disent que cette conversation, elle n'est pas fondée, elle n'est pas rapportée de manière authentique. Et vous pouvez re retrouver que c'est le jugement des grands savants de la commission permanente des Al-Fatawa en Arabie, qu'on appelle Al-Lajnat Da'ima. Al-Lajnat Da'ima ont répondu à cette question lorsque la question leur a été posée concernant l'authenticité de cette conversation. Qui serait l'origine, hein, qui serait l'origine de At-Tashahhud. Et aussi les savants de Al-Lajnat Da'ima ont répondu que en résumé de la réponse, il apparaît que ils répondent que cette histoire n'est pas fondée. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de savants qui nous disent que cette histoire n'est pas fondée, malgré qu'elle est répandue chez certains prêcheurs et chez certains sermonneurs qui, lorsqu'ils prêchent et lorsqu'ils parlent du Tashahhud, donc ils se réfèrent à cette histoire. À cette conversation qui n'est pas en réalité fondée. Et beaucoup de savants disent, lorsqu'ils réfutent le caractère fondé de cette histoire, ils disent que les hadiths du prophète, qu'on a étudiés justement, on a dit ces récits qu'on a mentionnés aussi bien de différents compagnons, de Abdallah ibn Mas'ud, de Abdallah ibn Abbas, on a évoqué l'histoire de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, comme c'est évoqué dans Al-Muwatta par l'imam Malik, lorsque Omar ibn Khattab l'a enseigné sur la chaire du vendredi lorsqu'il a fait Al-Khutbah, l'imam Khattab al-Nas, on voit qu'à travers ces récits qui nous sont rapportés des compagnons, comment est-ce que les compagnons l'ont appris? Ils disent qu'ils l'ont appris directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète qui leur a enseigné cette formulation après que lui-même, le prophète, sallallahu l'ait appris. Donc il ne nous est pas dit dans ces récits, il n'est pas stipulé que l'origine de ce tashahhud, ça serait une conversation entre lui et le Seigneur et que ça serait produit pendant le voyage de l'ascension, en l'occurrence pendant le voyage nocturne. Donc ça, c'est une question très importante relative à cette histoire qui est rapportée concernant l'origine de At-Tashahhud. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième question ici, deuxième masala qu'on va évoquer concernant la question du At-Tashahhud, à quel moment il a été légiféré? Quelle est la date? En ce qui concerne la chronologie, historiquement, à quel moment il a été légiféré? Donc les savants ici disent que le plus plausible et le plus probable, hein, ce qui est probable, c'est que ça aurait été légiféré après la prescription des prières quotidiennes, c'est-à-dire après le voyage nocturne, après le voyage nocturne. Et beaucoup de savants stipulent cela, que ce qui est plus probable et plausible, c'est donc que le tashahhud aurait été légiféré après la prescription des 5 prières quotidiennes et obligatoires. Et obligatoire. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on observe, on remarque bien dans les hadiths, hein, où qu'il y a l'étude de cette formule, ces hadiths où que les compagnons nous rapportent que le prophète leur a enseigné ce tashahhud, on voit que à la base, le prophète, dans certains récits, il est dit qu'il leur a enseigné alors qu'ils étaient derrière lui. Dans la prière. Ils étaient derrière lui, dans la prière, et eux, ils saluaient. Ils saluaient de leur manière, comme on l'a dit, ils saluaient Allah avec As-Salam. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a corrigés et ensuite leur enseignait la bonne manière de faire At-tashahud. Donc on voit que c'était pendant la prière. C'est pour ça que certains savants stipulent qu'il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de récit qui stipule à quel moment. Il y aurait un récit qui serait clair, hein, qui stipule à quel moment le tashahhud aurait été légiféré, mais certains savants ont dit que le plus probable et le plus plausible par rapport aux récits qui sont rapportés concernant le tashahhud, en observant et en remarquant le contexte et le déroulement de ces récits, on constate que le plus probable, ça serait après donc la prescription des 5 prières obligatoires et quotidiennes. Et donc, on insiste sur certaines de ces questions. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait dit dans l'assise précédente, cette formulation est très importante. Et en réalité, c'est un trésor. Cette parole est un trésor parmi les trésors qui nous ont été enseignés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce savoir qu'on a hérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour ça que cette parole est un kenz. Et elle renferme de nombreux sens, elle renferme des invocations, elle renferme vraiment des paroles qui sont très lourdes, et de ce fait, elle est considérée comme un trésor. C'est pour cela que on insiste bien sur l'explication de cette parole, tellement elle est importante, et en plus, le contexte dans lequel on vit, en période de confinement et les gens sont chez eux, donc on a vu l'importance de faire des prières, que ce soit s'appliquer dans ces prières prescrites et obligatoires, comme le fait de multiplier les prières surérogatoires. Et de ce fait, le fait de, par exemple, de bien se concentrer sur la compréhension des significations, des sens du tashahhud, ça nous aide à nous appliquer, aussi bien dans les prières obligatoires que dans les prières surérogatoires. Et c'est pour ça que dans une telle période, c'est bénéfique de bien essayer de comprendre ces formules et ces invocations qu'on dit pendant nos prières, puisque là, c'est un moment qu'on a du temps et qu'on peut multiplier justement les prières. Et tellement cette parole est un trésor, il y a certains qui ont rapporté, après l'observation du At-Tashahhud, plus de 60 fawaïd. Plus de 60 faïd. C'est-à-dire, al-fawaïd, c'est quoi? Ce sont des enseignements profitables et bénéfiques. Et certains, après l'observation du Tashahhud, ont pu tirer et extraire du tashahhud plus de 60 fawaïd. C'est vraiment, lorsqu'on observe, ils ont tiré et extrait des dizaines et des dizaines, hein, près de 60 enseignements profitables et bénéfiques qu'on peut extraire lorsqu'on observe vraiment de manière minutieuse le tashahhud. Donc parmi les enseignements profitables, regardez, parmi ce qu'ont évoqué certains savants, ils ont dit, lorsqu'on observe At-Tashahhud, on peut déduire beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements profitables. Par exemple, wasa'il ta'lim at-tullab, la manière ici d'enseigner aux tullab, aux étudiants. Lorsque un shir ou un enseignant ou un professeur, eh ben ici, lorsqu'il observe le contexte du récit où il nous a enseigné, où les compagnons nous rapportent que le prophète leur enseignait At-Tashahhud, eh ben il y a une manière prophétique. Et il y a une manière ici qui est mentionnée que tout enseignant, tout shir, tout professeur, eh ben, peut s'appuyer sur cette manière et appliquer et pratiquer cette manière. Regardez par exemple, observez bien. Observez bien le compagnon par exemple, Abdallah ibn Mas'ud. Il nous dit que dans son récit, revenez bien au récit de Abdallah ibn Mas'ud qui mentionne ici. Lorsque le prophète ensemble lui a enseigné le tashahhud, comment il a décrit cet enseignement? Il a décrit en disant que le prophète ensemble l'a pris par les paumes de sa main, en disant d'une manière plus particulière ou plus précise qu'il a dit que ma paume était entre les paumes de celles du prophète, les paumes du prophète, c'est-à-dire que le prophète a pris la main de Abdallah ibn Mas'ud. Et a mis sa paume, la paume de Abdallah ibn Mas'ud, la main de Abdallah ibn Mas'ud, entre ses deux mains. Entre ses deux paumes, c'est-à-dire entre ses deux mains. Donc regardez, le prophète, ensemble, pour lui enseigner à Tashahhud, il a pris la main du compagnon de Abdallah ibn Mas'ud et il l'a mis entre ses deux mains. Il l'a mis entre ses deux mains. Cette manière de faire qu'a observé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ben regardez ça, on déduit, les savants ont déduit que l'enseignant, et le professeur et le shir, lorsqu'il enseigne à ses élèves, il peut utiliser cette manière que nous a enseigné le prophète sallam pour que l'étudiant ou celui qui apprend, eh ben, retienne, et il y a une sorte, en quelque sorte, il y a une sorte de portée d'attention sur ce qui va être enseigné, et il y a une sorte de miséricorde ici, de douceur, de bonté et de bienfaisance. Donc on prend l'étudiant, le fait de prendre sa main et le mettre entre nos deux mains, le fait de mettre sa main, la paume de sa main entre nos deux mains, eh ben, c'est ce que le prophète sallam, a fait avec Abdallah ibn Mas'ud. Vous remarquez donc bien que ça, par exemple, ça fait partie des précisions à travers l'observation de certains savants. Donc ça fait partie des enseignements, parmi les enseignements bénéfiques qu'on tire dans les hadiths et qu'on extrait dans les hadiths ou qu'il y a l'enseignement du tashahhud. Et par exemple aussi, les savants ont dit que parmi les enseignements profitables, on a le fait que il est permis à certains professeurs, à un shir, à un enseignant, eh ben, d'être attentif à propos de certains étudiants. C'est-à-dire ce qu'on appelle عناية بعض الطلاب لمن تميز. Si il y a des étudiants, par exemple, qui se sont distingués, eh ben, il est permis à un cheikh ou bien un enseignant de leur accorder une attention particulière. Et cette attention particulière envers certains étudiants qui se sont distingués, eh ben, il est permis à l'enseignant d'avoir et d'accorder cette attention particulière, un intérêt particulier à certains étudiants qui, eux, sont décrits comme étant des étudiants qui se sont distingués par rapport à d'autres. Regardez, par exemple, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accordé un soin particulier, une attention particulière à Abdallah ibn Mas'ud lorsqu'il l'a pris par sa main et l'a mis sa main entre ses deux mains. Regardez cette manière de faire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous avez vu, les savants ont tout observé. Ils observent vraiment la manière de faire de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est notre modèle. C'est notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'exemple même à suivre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, on voit que le prophète a accordé un intérêt particulier à Abdallah ibn Mas'ud. C'est pour ça que même plus tard, Abdallah ibn Mas'ud, ce qui va prouver qu'il s'est distingué, il va faire partie des grands savants. Des grands savants parmi les compagnons du prophète. C'est pour ça que dans cette communauté, dans la communauté musulmane, dans cette nation, parmi les plus grands savants de cette nation, Abdallah ibn Mas'ud est une référence. Aussi bien que ce soit dans la récitation du Coran, dans des récits, le prophète dit de se référer à la récitation de l'Abdallah ibn Mas'ud. De se référer, hein, à la récitation du Coran dans Abdallah ibn Mas'ud. Il est même rapporté dans des récits que le prophète aimait écouter la récitation de Abdallah ibn Mas'ud. C'est pour ça qu'il nous a rapporté dans un hadith qu'Abdallah ibn Mas'ud avait lu une partie de Sourate Nisa, la Sourate la femme, au prophète, et lorsqu'il est arrivé à un verset, ensuite le prophète s'est mis à pleurer. S'est mis à pleurer. Et donc, on voit que le prophète avait accordé un intérêt particulier, une attention particulière à Abdallah ibn Mas'ud, qui s'était distingué, et plus tard il va faire partie des grands savants de cette nation, et en l'occurrence, hein, les grands savants parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Parmi les enseignements bénéfiques aussi, à tirer de tashahhud, toujours lié à l'enseignement, le fait d'enseigner et de souffler lorsqu'on enseigne une chose mot par mot. D'enseigner est ce qu'on appelle talqin, kalimat bi kalima. Talqin, kalima, bikalima. Le fait que lorsqu'on enseigne un dua, par exemple une invocation, ou bien un verset, ou bien quelque chose de légiféré, on enseigne quelque chose, le fait que l'enseignant, ou bien le professeur, répète mot par mot. Et donc qu'on souffle mot par mot, et qu'ensuite celui qui apprend, il répète mot par mot, comme c'est stipulé. Donc chaque mot a son importance. Ça dénote bien ici que chaque kalima a son importance, puisqu'on voit bien que dans le tashahhud, chaque mot a son importance, et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer ici à travers l'explication des significations des paroles qui sont dans le tashahhud. Parmi les enseignements aussi profitables et bénéfiques concernant le tashahhud, l'observation ici de l'assise. Regardez, les savants ont observé le moment où il a été légiféré de prononcer cette formule de At-Tashahhud. À quel moment il est légiféré? On a dit c'est pendant la station qu'on appelle l'assise. L'assise, donc, à la deuxième unité de prière, à la dernière assise de la deuxième unité de prière, à ce moment-là, on prononce cette formule. On prononce cette formule. Et bien, les savants, ils ont dit, lorsqu'on observe ce moment-là, cette assise-là, on voit que c'est un moment où il y a de la dévotion. La personne, il est assis devant son créateur. Et cette assise-là, elle dénote une sorte d'humilité, de soumission. Et cette position, c'est pour ça, cette position dénote la servitude et donc dénote la dévotion. C'est pour ça que ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on prononce at-tashahhud, mais le tashahhud est prononcé pendant cette assise. Et cette assise-là, vraiment, lorsqu'on observe, après observation de cette assise, vous allez constater que là, lorsque vous êtes assis à ce moment-là et que vous allez formuler at-tashahhud, vous êtes dans une position d'humilité, une position qui dénote bien votre servitude et votre soumission à votre Créateur. Et là, il y a de la dévotion. Vous vénérez votre Seigneur. Et là, vous êtes complètement soumis à lui par cette assise. Et ensuite, vous formulez ces paroles de Tashahhud. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les savants aussi soulignent une question très importante liée au Tashahhud. C'est qui nous a rapporté dans des récits. Très important. Une question très importante. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne disait rien avant. C'est pour ça que certains savants ont bien mentionné cette question importante, c'est que avant de dire at-tashahhud, on ne dit rien d'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on est assis dans la deuxième unité de prière, dans la deuxième assise, on commence ensuite at-tashahhud. Et on ne doit rien dire avant at-tashahhud. C'est-à-dire que les premières paroles qu'on va prononcer, lorsqu'on va être assis, ça sera at-tahiyatu lillah, wa salawat, wa tayyibat. C'est-à-dire le fait de ne rien dire avant. Avant le At-tashahhud. Donc, c'est la première chose qu'on dit dans cette position. Vous avez vu cette position assise qui dénote la servitude, qui dénote la dévotion, qui dénote l'humilité, une sorte d'humilité et d'humiliation envers son créateur, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parmi les questions très importantes liées au tashahhud que nous enseignent les savants, en ce qui concerne la voix. La voix, c'est-à-dire la prononciation, est-ce que c'est à voix haute ou bien est-ce que c'est à voix basse? À voix basse. Les savants nous disent que la sunna, c'est de la prononcer à voix basse. Que anna dua dua at-tahiyat as-sunna fi an yakuna fil khafa. Donc ça doit être dit à voix basse. Wala yajhar bihi, wala yarfa biha sawta. Donc on ne doit pas la dire à voix haute, on n'élève pas la voix. Les savants disent, wala yurfa biha saut. On ne doit pas élever la voix, wala yajhar. Par contre, on l'a dit à voix basse et on la prononce, cette formule, à voix basse. Ça fait partie aussi des questions que les savants ont soulignées concernant la manière de dire at-tashahhud. En l'occurrence, parmi les questions aussi importantes liées au tashahhud, est-ce que cette formule, elle est tawqifi ou non? Donc, les savants ont traité cette question. Quel est le sens de cette question? Lorsqu'on dit est-ce que le tashahhud, c'est tawqifi ou non? Tawqifi, c'est-à-dire on s'arrête au texte. En d'autres termes, pour mieux comprendre, lorsqu'on dit tawqifi, pour illustrer cela, ça serait le fait qu'on n'a pas le droit de rajouter ni de diminuer. C'est-à-dire qu'on doit se contenter de la formuler comme elle a été enseignée. C'est-à-dire le fait de s'arrêter au texte et de se contenter de ce qui a été rapporté dans les textes authentiques, dans les récits du prophète, dans cette manière dont il l'a enseigné à ses compagnons. Et lorsqu'on dit que une chose elle est tawqifi en arabe, c'est-à-dire c'est le fait de rester attaché et fidèle au texte et de ne pas rajouter, de ne point rajouter ni diminuer. Pour ça, les savants ils ont dit an at-tashahhud tawqifi fala yajuzu لأحد أن يغير أو يبدل عن السير التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'est vrai que les savants, ils ont dit que فلا يجوز لأحد أن يغير أو يبدل عن السير. Les savants ont dit donc il n'est pas permis pour quiconque de rajouter ou bien de diminuer de cette manière dont elle a été enseignée, de cette formulation qu'on a appris. C'est pour ça que lorsqu'on fait at-tashahhud, on doit se contenter de cette manière et rester, si vous voulez, fidèle. Pour ça, lorsqu'on parle de tawqifi, c'est le fait de rester fidèle au texte et à la formulation des récits. Tahiyatu lillah, wa salawat, wa tayyibat, par exemple, la partie concernant Allah, Jalla wa Ala, comme cela le prophète sallam les a enseignés à ses compagnons. Ensuite, l'autre question ensuite qui est liée à cela, quelle est la meilleure formulation? Puisqu'on a dit que différents compagnons ont rapporté des récits, et ils stipulent dans ces récits la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et lorsque vous observez les différents récits des compagnons, que ce soit celui d'Abdallah ibn Abbas, que ce soit celui d'Abdallah ibn Mas'ud, celui de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an, ou bien celui de Aïcha, ou bien celui de Abu Moussa al-Ash'ari en l'occurrence, par exemple, on voit que, alhamdulillah, la formulation, ce sont les mêmes formulations, c'est le même tashahoud, juste sur certains caractères. C'est-à-dire que vraiment la différence entre ces différents énoncés, elle est vraiment sur certains caractères, certains cas, certaines précisions. Par exemple, vous allez voir la différence qu'il y a entre le tashahoud qui est rapporté par Abdallah ibn Mas'ud et un autre, c'est que lorsqu'on a la citation de At-Tahiyyat, At-Tayyibat, At-Salawat, par exemple, dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, par exemple, il n'y a pas de wa. Il n'y a pas de wa. Alors que dans la formulation qu'on a pris dans le récit, on dit At-Tahiyyat, wa. On dit un wa, on prononce le wa. Ensuite, As-Salawat, wa. On prononce le wa, en quelque sorte pour dire et, en arabe, et, wa, At-Tayyibat. Donc on dit At-Tahiyyat, wa, As-Salawat, wa, At-Tayyibat. On dit qu'elles sont lillah. At-Tahiyyat ou lillah. والصلوات والطيبات. Vous voyez là, la mention ici du waouh. Dans, par exemple, la version de Abu Musa al-Ash'ari, il n'y a pas le wa. On dit directement at-tahiyat, il est dit at-tahiyat, et ensuite il dit directement at-tayyibat wa salawat. Il n'y a pas le wa. At-tahiyat, at-tayyibat, salawat, lillah. Sans le wa. De même, on retrouve dans l'énoncé de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, qu'il n'y a pas le wa. Il n'y a pas le wa. Et il y a juste ensuite un rajout d'un mot dans la version de Omar ibn al-Khattab qui est az-zakiyat. Az-zakiyat lillah. Vous avez vu, c'est sur vraiment des précisions. C'est sur vraiment des précisions. Sinon, c'est le même tashahoud. C'est le même tashahoud. Sauf par exemple, sur Moussa, Abu Moussa al-Ash'ari, il n'y a pas le waouh. Et dans d'autres énoncés, il y a la formulation du waouh. Les savants nous disent qu'ensuite, ils nous enseignent une autre question. Donc, quelle est la meilleure formulation? Les savants disent qu'on peut utiliser celui qui a appris la formulation qui a été mentionnée et rapportée par Abu Moussa al-Ash'ari, qui sont quasiment les mêmes en réalité. Ça a quelques différences vraiment près et très subtiles et précises. Très subtil et précise. Ils disent que celui, par exemple, qui les a toutes apprises, eh ben, tantôt, il peut dire celle de, qui est rapportée par Omar ibn al-Khattab, tantôt, il peut dire celle de Abu Moussa al-Ash'ari, et tantôt, il peut, par exemple, celle qui est rapportée par Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Donc, tantôt, il peut dire celle-ci, tantôt, il peut dire celle-là. D'autres savants ont dit que, par exemple, l'apprend, une qui est rapportée et il se contente de celle-ci. C'est pour ça que si vraiment, vraiment vous approfondissez sur la question, vous allez voir que par exemple, certaines écoles juridiques ou certains grands savants, eux ont donné préférence, ont préféré par exemple celle de Abdallah ibn Mas'ud. Et donc ils s'appuient sur celle de Abdallah ibn Mas'ud. Vous allez voir beaucoup de savants s'appuient sur le tashahoud énoncé par Abdallah ibn Mas'ud. D'autres savants, eux, voient par exemple certains savants ou écoles juridiques vont plutôt s'appuyer sur le tashahoud et donner préférence au tashahoud de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an, du fait qu'ils vont dire que c'était plus savant, le plus savant de l'un des plus savants parmi les compagnons, et qu'en plus il l'a enseigné sur al-minbar pendant al-khutba, pendant le serment du vendredi, et de grands compagnons étaient présents, et donc cela a été approuvé puisque les compagnons n'ont pas contredit cela. Sinon, beaucoup de savants considèrent que tantôt on peut réciter celle-ci, tantôt on peut réciter celle-là. Et toutes sont bonnes. Toutes sont bonnes puisqu'elles sont rapportées par deux voix authentiques. Et de ce fait, on a un autre enseignement profitable. De ce fait, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les spécialistes de cette science, Ils ont dit, là, ça dénote bien la précision et l'exactitude des enseignements et des récits que nous rapportent les compagnons. Leurs informations, ce qu'ils rapportent, leurs versions, leurs récits, on voit bien qu'ils les rapportent avec exactitude. Chaque compagnon, il a rapporté ce qu'il a appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec exactitude. Pourquoi? Parce que chaque compagnon a appris avec le prophète ensemble cette formulation, et on voit que les différentes formulations des compagnons, à la base, hein, à la base, ça reste la même formulation de at-tashahhud. Ça reste la formulation qu'on connaît, at-tashahhud. Il y a d'abord les salutations sur les salutations, on fait les salutations d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la manière enseignée précédemment. Ensuite, les salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, sur nous-mêmes et sur le reste des croyants. Sur le reste des croyants. Et ensuite, on fait ash-shahadatayn. On atteste, hein, on profère, on prononce les deux attestations deux fois. Et toutes les siyar, c'est ce qu'on appelle siyar, toutes les manières de le dire sont similaires à quelques différences près, par exemple sur le waou, ou sur par exemple le terme al-mubarakat, mubarakat par exemple, ou zakiyat. Sinon, toutes les formulations, eh ben, c'est le tashahhud qu'on a appris comme on l'a appris. Donc ça prouve bien que les compagnons rapportaient vraiment ce qu'ils apprenaient avec exactitude. Et ça prouve aussi que du fait qu'il y a différents compagnons qui rapportaient ce at-tashahhud, ça prouve aussi le caractère authentique et légiféré du at-tashahhud, de ce trésor hein, qu'on a dit, hein, de ce trésor qu'est at-tashahhud qu'on prononce pendant la prière. Aussi, parmi les enseignements profitables enseignés par les savants, hein, vous avez vu, il y a de nombreux enseignements, de nombreuses fawaïd. J'essaye d'aller doucement et de vous les répéter pour que vous puissiez bien les noter. Essayez de bien noter cela. Et regardez encore parmi les enseignements profitables, le fait que les savants disent que lorsqu'on observe d'une manière minutieuse, on voit que les expressions et les termes, les mots qui sont mentionnés, ils sont dits au pluriel. Regardez, en ce qui concerne les salutations, lorsqu'on fait les salutations, ce qu'on appelle les tahiyyat pour Allah, en disant qu'elles n'appartiennent qu'à Allah, vous voyez bien, les termes, ils sont mentionnés au pluriel et non au singulier. Par exemple, lorsqu'on dit tahiyyat, c'est le pluriel de tahiyya. Lorsqu'on dit as-salawat, par exemple, c'est le pluriel de as-salah. Lorsqu'on dit, par exemple, at-tayyibat, c'est le pluriel de at-tayyib. Donc, vous avez vu, c'est le pluriel de ces termes qui est mentionné. Et ça, après observation dans la langue arabe, ça rajoute vraiment du sens. Ça rajoute vraiment du sens. Quand, par exemple, on dit que les salutations n'appartiennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, on voit toutes ces salutations, tout ce qui dénote là, l'immensité, la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toute cette parole de louange, parce que beaucoup de savants disent que lorsqu'on dit les salutations, on avait essayé d'expliciter ça hier dans la dernière assise, lorsqu'on a parlé des salutations, ça a réellement un grand sens. Et beaucoup de savants, lorsqu'ils ont expliqué, disaient par exemple, les salutations, c'est dans le sens, c'est toutes ces paroles de louange, lorsqu'on fait les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ça les tahiyyat, c'est le fait de faire les louanges. Mais sinon, certains savants, ils ont dit, c'est évoquer l'immensité d'Allah. C'est toute parole de ce qu'on appelle ta'zim, comme dit Sheikh Ibn Al-Thaymin. Sheikh Ibn Al-Thaymin explique at-tahiyyat en disant c'est toutes les paroles de ta'zim, lorsqu'il y a vénération d'Allah, des paroles où il y a la mention de l'immensité, de la grandeur, de la majesté d'Allah, et ben toute parole plutôt qui dénote la grandeur, la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle at-ta'zim, ça fait partie, il dit, de at-tahiyyat, ce sont at-tahiyyat. C'est pour ça que certains savants, pour expliquer vraiment les salutations, donc on voit ici, elles sont mentionnées au pluriel, les salutations, ils se sont référés à certains grands dictionnaires, anciens dictionnaires, chez les Arabes, comment les Arabes ici comprenaient at-tahiyyat. C'est pour ça qu'on voit que dans l'explication, comme on l'avait mentionné hier, beaucoup de savants disent que le terme at-tahiyyat, c'est dans le sens de al-baqa. Al-baqa, wa al-dawam, wa al-salam, wa al-mulk. Certains ont dit, ou al-mulk, ils se sont même référés à deux anciens poèmes pour comprendre at-tahiyya. C'est pour ça qu'on avait dit que les salutations, lorsqu'on fait ces salutations pour Allah, ça, c'est des paroles, si vous voulez, des expressions qui dénotent la souveraineté d'Allah. Le fait qu'il est lui, le réel et véritable souverain de cet univers. Qu'Allah Jalla Wala est l'éternel. Ça dénote l'éternité du Seigneur. Ad-dawam, wal-baqa, wal-salam. Et c'est ça les salutations. Et même les savants ont même expliqué que ces salutations-là, elles sont spécifiques et particulières du fait qu'ils disaient qu'à l'époque, c'est chez les Arabes, c'était connu que At-Tahiyya, et ils disent même, certains disent même chez les Perses à l'époque, c'était connu que cette At-Tahiyya, c'était la manière dont les rois étaient salués. Donc ils avaient des expressions précises. Et donc At-Tahiyyat, c'était les salutations pour les rois. Et pour cela, Allah Jalla wa Ala, à lui, lui appartient tout cela. Toutes les salutations, pour ça, regardez que lorsque c'est mentionné au pluriel, il faut méditer, toutes ces salutations, toutes ces paroles qui dénotent At-Ta'zim, qui dénotent les louanges, l'immensité, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, toutes celles-ci n'appartiennent qu'à lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas saluer autre que lui avec ses tahiyyat, puisque ensuite on a le lam sur Walillah, lafd al-Jalala, qui sous-entend l'istihqaq. L'istihqaq, c'est le mérite, que c'est Allah Jalla wa Ala qui les détient, qui les mérite toutes ces salutations. C'est pour ça, d'une manière générale, ces salutations-là n'appartiennent qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsqu'on observe par exemple le pluriel. Parmi d'autres enseignements profitables et bénéfiques, les savants disent que ces paroles qu'on prononce dans Tashahhud, ça nous enseigne et ça nous éduque sur la sincérité. On voit que lorsqu'on médite ces paroles-là, lorsqu'on les médite, lorsqu'on les observe, eh ben ça nous mène à la sincérité. C'est pour ça qu'il est important qu'on a insisté bien sur ce Tashahhud, sur la formulation et sur les significations des termes. Et vous allez voir, celui qui les médite, qui les comprend, ça le mène à la sincérité, le fait qu'il soit sincère dans ses adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Juste les salutations, lorsqu'on dit que les salutations, les prières, toutes les bonnes choses, les choses agréables, que ce soit des paroles agréables ou des actions agréables, elles n'appartiennent qu'à Allah. Donc tout cela n'est qu'à lui. C'est pour ça que même nos prières, nos invocations, nos bonnes paroles, nos bonnes actions n'appartiennent qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite même, on voit que par exemple, à la fin, on fait shahadatayn. On dit, on atteste qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et en cela, il y a donc l'ordre d'être sincère. C'est pour ça qu'on voit que les pieux prédécesseurs, les grands savants de cette communauté s'efforçaient, faisaient un grand combat sur eux-mêmes, sur la sincérité. Et c'est l'une des choses la plus dure. La sincérité, c'est comme disait Cheikh Ibn Uthaymeen dans son commentaire de Kitab al-Tawhid. Il disait, qui se nomme Al-Qawlul Mufid bi Sharh Kitab al-Tawhid, il disait tout simplement Al-Ikhlas ou Sa'b. La sincérité, c'est quelque chose de dur, de difficile. Et les salafs nous disaient, les pieux prédécesseurs disaient qu'ils n'avaient jamais fait un plus grand combat sur eux-mêmes si ce n'était sur la sincérité, de s'imposer cette sincérité-là. Regardez cette très belle histoire précieuse qui nous est rapportée du grand savant Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab al-Hanbali, il est rapporté alors qu'il était dans un colloque, hein, qu'il était dans une assemblée de savants, et les savants étaient en train de débattre sur une question bien précise, sur une masala. Et donc, certains savants intervenaient et rapportaient leur avis sur la question et la connaissance qu'ils avaient sur cette question. Donc il y avait cette sorte d'assemblée et les savants donc débattaient d'une question et chacun rapportait ce qu'il avait sur la question. Et le grand savant justement, l'imam Ibn Rajab, était présent, Al-Hafidh Ibn Rajab, était présent et certains élèves assistaient à ce colloque, à cette assemblée de ces savants. De ces savants. Et à un moment, les élèves attendaient justement qu'il y ait l'intervention de leur shir. Ibn Rajab al-Hanbali. Pourquoi? Parce que, alors qu'il était en compagnie de ses élèves, le cheikh avait déjà mentionné cette question. Il leur avait déjà enseigné à ses élèves cette question. Donc, les élèves savaient que leur cheikh avait une grande connaissance, une connaissance profonde concernant cette question-là. Donc, vous savez, chaque élève veut de son cheikh. Chaque élève est fier lorsque son cheikh apparaît et le cheikh fait montrer son savoir et sa science et que les gens constatent le mérite de leur cheikh. Donc les élèves attendaient que le cheikh intervienne et fasse montrer aux autres savants dans l'assemblée les recherches qu'il avait, la connaissance qu'il avait sur cette question qui était traitée par les savants dans cette assemblée. Mais il n'est pas intervenu. À l'étonnement ici, de ses élèves, Shir ici, Ibn Rajab n'est pas intervenu. Donc il n'a rien dit. Plus tard, lorsqu'il était en compagnie de ses élèves l'interrogèrent. Yeshir, pourquoi tu n'es pas intervenu? Et pourquoi tu n'as pas fait part de ton savoir et de tes connaissances concernant cette question-là? Et là, le cheikh, tout simplement, il leur a dit, lorsque j'étais avec vous, parce que ses élèves lui ont demandé, avec nous, tu nous as détaillé cette question, tu nous as enseigné cette question. On a pu constater, donc les élèves ont pu constater le savoir du cheikh. Mais là, le cheikh leur a dit, lorsque j'étais avec vous dans l'assise, je connaissais mon intention. Mais lorsque j'étais dans cette assemblée et dans cette assise avec les savants, dans ce colloque, là, je ne connaissais pas mon intention. Regardez là, les savants, comment ils font un combat sur eux-mêmes. Alors qu'il était avec ses élèves, lorsqu'il leur a enseigné cette question, donc il devait savoir, il connaissait son intention. Il savait qu'il leur enseignait pour Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il connaissait vraiment que son intention était pure. Mais lorsqu'il était dans cette assise, en compagnie de deux savants, là, il ne connaissait pas son intention, si il allait parler et participer, donc il a préféré s'abstenir. Regardez, c'est vraiment très subtil. C'est une histoire parmi tant d'autres histoires que nous a rapportées nos pieux prédécesseurs concernant leur intention, hein, particulière sur cette question qui est la question de l'insincérité. L'insincérité. Et de ce fait, parmi les autres éléments et enseignements profitables qu'on tire de ce tashahhud, c'est le tartib, c'est l'ordre, c'est le tartib. Vous avez vu l'ordre qu'on avait évoqué. D'abord, on a commencé par le droit d'Allah, ensuite le droit du prophète, ensuite le droit sur nous-mêmes et le droit des croyants et le droit de nos frères. Et bien là, les savants, ils ont dit, de même, on peut prendre cette manière-là qui nous a été enseignée par le prophète dans le tashahhud pour les doigts et les invocations qu'on fait d'une manière générale. D'une manière générale, prendre cet ordre, cet tartib, que cela est légiféré, par exemple, lorsque vous voulez invoquer, d'une manière générale, vous voulez faire des invocations, demander ce que vous voulez à travers vos invocations, que ce soit dans une prière ou que ce soit autre, et bien le fait de commencer à invoquer Allah, commencer de faire les louanges d'Allah, commencer à vanter les mérites, et faire les louanges d'Allah, ensuite saluer le prophète, par exemple, faire des invocations pour le prophète, sallam. Ensuite faire des invocations pour soi-même, et ensuite faire des invocations pour le reste des croyants, pour le reste des croyants. Vous avez vu cet ordre? Certains savants ont déduit de cela, eh ben, qu'il est permis donc, et qu'il est bon d'observer cet ordre d'une manière générale lorsqu'on fait nos invocations. Parmi les enseignements aussi bénéfiques et profitables qu'on tire du tashahhud, ils ont dit ce miracle. Un des miracles du prophète. Le prophète a fait beaucoup de miracles. Allah Jalla Wala l'a doté et lui a donné ses bienfaits d'avoir ce qu'on appelle al-mu'ajiza. Al-mu'ajiza. Et parmi ces miracles que le prophète sallam, avait, le fait que le prophète savait ce qu'on appelle Jawami al-Kalim. Outi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jawami al-Kalim. Que le prophète sallam, savait avec des paroles très courtes, avec très peu de paroles, il savait expliciter des choses et des enseignements qui étaient vraiment immenses, énormes et très lourds. Et le prophète, c'est pour cela qu'avec des paroles vraiment très courtes, eh ben, ces paroles, ces quelques mots, renfermaient de nombreux enseignements et des enseignements vraiment profonds. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde qu'une personne, en quelques mots, ces mots-là, ces mots qui sont comptés, eh ben, que ces mots-là renferment de nombreux et précieux enseignements. Regardez le prophète, sallam, à travers ces paroles très courtes, vous avez vu, on pourrait faire de nombreuses assises. Juste pour expliquer vraiment at-tashahhud, nous on va essayer de terminer sur cette assise-là, mais on pourrait faire de nombreuses assises. Pourquoi? Parce que le tashahhud, ces paroles comptées et très courtes, elles sont très précises et elles renferment de nombreux enseignements. De nombreux enseignements. C'est pour ça que dans les premières générations, les savants s'efforçaient de suivre le prophète, de prendre le prophète comme un modèle dans leur manière d'enseigner. C'est pour cela que on voit que ils utilisaient très peu de paroles, des paroles courtes, mais qui renfermaient de nombreux sens. C'est pour ça que lui-même, le savant qu'on a cité tout à l'heure, Ibn Rajab al-Hanbali, il disait dans l'un de ses livres, Fadl al-Ilm, le mérite de la science, il disait que Kalam al-Salaf, Qalil ou Kathir al-Fa'ida, wa Kalam al-Khalaf, Kathir, Qalil al-Fa'ida. Il disait que la parole des pieux prédécesseurs, de ces hommes qui ont vécu dans les premières générations de l'islam étaient courtes, c'était des paroles courtes, mais avec de nombreux enseignements profitables. Et la parole de ceux qui sont venus plus tard, dans les siècles qui ont succédé, ce sont des longues paroles avec très peu de profit. Donc ce sont des longues paroles avec très peu de profit. C'est pour cela qu'on voit tous ceux qui ont adhéré, par exemple, à la théologie dialectique, spéculative, tout ce qu'on appelle ilm al-kalam, à ce qu'on appelle aussi al-falsafa, la philosophie. Donc tous ceux qui ont adhéré, par exemple, à ces formes de philosophie, à la théologie dialectique, par exemple, tous ceux qui ont adhéré à cette spéculation-là, le fait de spéculer en religion, le fait de philosopher en religion, donc on voit, c'est beaucoup de paroles, mais qui ne veulent rien dire. Alors la personne parle beaucoup, il formule des phrases, il formule des paragraphes, mais ça ne veut rien dire. Donc les personnes se fatiguent à prononcer des paroles, à prononcer des longues phrases avec des paragraphes, et qui en réalité ne veulent rien dire. Et les gens pourraient ensuite essayer de réfléchir et de réflexionner sur ces paroles et rester des heures à perdre leur temps, à perdre leur temps. Et à la fin, ils n'atteignent pas le but et l'objectif. Et l'objectif. Tandis que les pieux prédécesseurs, eux, avec des paroles courtes, eh ben, ces paroles courtes, elles renfermaient de nombreux enseignements. Et ça, ils l'avaient pris du prophète, en somme. Et le prophète était une sorte, en quelque sorte, l'expert en la matière. Le prophète, Allah Jalla l'a doté de ça. C'est pour ça, les savants considèrent que c'était un miracle du prophète. Regardez vraiment des hadiths qui sont très courts. Le prophète utilisait quelques mots, et ensuite, ça a été la base de livres. Certains savants ont rédigé des livres. Leur livre était le commentaire d'un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc parfois on voit un livre qui a été rédigé par un savant, c'est l'explication d'un hadith. Donc le livre se base, à la base, sur juste un hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam. Parfois c'était la cause de la rédaction d'un livre tout entier. Donc ça fait partie des enseignements profitables. Parmi les enseignements qu'on tire du tashahhud qui sont profitables, on voit le mérite des pieux, le mérite d'être pieux, et de faire partie des vertueux. Puisque ces deux à la fin, lorsqu'on invoque à notre faveur, on invoque aussi pour les serviteurs d'Allah, pieux et vertueux. Et ça dénote le mérite et la grandeur et le haut rang des serviteurs pieux et vertueux. C'est pour ça que nos frères, nos sœurs, on doit s'efforcer à être des serviteurs pieux et vertueux. Et vous avez vu, lorsqu'on avait mentionné les degrés, les hauts rangs, des plus hauts rangs et les plus hauts degrés, de ces gens, ces différentes catégories de gens qui sont élevés le jour de la rétribution et qui vont atteindre les hauts degrés. On a dit le plus haut degré de ces catégories de gens, ce sont les prophètes. Comme on avait mentionné la fois dernière, le verset, et ceux qui obéissent à Allah et à son messager seront avec les prophètes. On avait dit ensuite les véridiques, ensuite les martyrs et les vertueux. Et les vertueux. Vous avez vu, les vertueux en quatrième position. Donc ils sont mentionnés avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Vous avez vu la grande place, le haut rang des pieux vertueux. Ensuite, parmi les enseignements aussi, on comprend quoi? Les savants ont dit qu'on comprend bien alors que si le prophète a dit et que le salut soit sur nous-mêmes et sur les serviteurs pieux et vertueux, on comprend bien que ça indique que l'inverse, ceux qui sont à l'inverse de l'impiété, ceux qui ne sont pas pieux, et qui ne sont pas vertueux, alors eux ne sont pas inclus dans l'invocation. Que l'invocation est spécifique à ceux qui sont pieux, et ceux qui sont ce qu'on appelle salih. Pour ça, la fois dernière, dans le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymeen, on avait explicité le terme salih. Donc ça, c'est spécifique aux pieux. Donc on comprend bien que les non-pieux, ceux qui ne sont pas vertueux, ceux qui ne sont pas bons, alors eux ne sont pas inclus dans l'invocation. Donc regardez, ils perdent ce mérite de cette invocation que chaque musulman fait dans la prière. Parmi les autres enseignements profitables, extraits justement, pris directement du tashahhud, l'importance de la fraternité et le haut rang qu'a la fraternité dans notre religion. Regardez, dans cette assise particulière, alors qu'on a dit que lorsqu'on observe cette position, lorsqu'on est assis, c'est une position de soumission, de servitude, de dévotion, d'humilité envers son Seigneur. Ensuite, on fait at-tashahhud, on fait les salutations d'Allah, on salue le prophète, on invoque pour nous-mêmes, on a invoqué pour le prophète, on a invoqué sallallahu alayhi wa sallam, on a invoqué pour nous-mêmes, et là, on a cette pensée Regardez, cette pensée pour le reste des croyants, pour pieux. Donc à ce moment-là, c'est un moment important. C'est une assise qui est particulière. Regardez, ça c'est à observer hein, et à constater. Cette assise particulière, dans un moment qui est particulier, l'une des plus grandes adorations légiférées qui est la prière. Donc en prière, dans cette assise et cette station particulière, à travers cette formulation, lorsqu'on invoque Allah, on pense à nos frères. C'est pour ça que certains savants ici, ils ont mentionné parmi les bienfaits donc de cet ajod, on se rend compte de l'importance de la fraternité. Et ça, c'est vraiment, et ça, c'est une preuve sur l'importance de la fraternité et de penser aux autres, de penser au reste de la communauté et d'invoquer toujours en faveur de la communauté. Et ça nous est enseigné directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on invoque pour le prophète, on invoque pour nous-mêmes, il y a cette pensée à ce moment bien précis, sur cette assise, en prière, on a cette pensée pour le reste des croyants. Lorsqu'on dit, et que le salut soit sur nous-mêmes et sur les serviteurs d'Allah vertueux. Vous avez vu ce moment précis, ce moment important, et ben on a cette pensée pour nos frères et pour les croyants d'une manière générale. Parmi les bienfaits aussi, regardez, le prophète sallam nous dit que donc cette invocation-là, elle va atteindre les croyants. Et d'une manière plus particulière, le prophète, dans un énoncé, il dit, elle va atteindre ceux qui sont dans les cieux et sur terre. Fis sama et wal ard. Et dans un autre énoncé, ceux qui sont entre les cieux et la terre. Et dans un autre énoncé, le prophète a dit, les habitants des cieux et les habitants de la terre. C'est-à-dire que ces salutations-là, ces invocations-là, elles vont atteindre aussi bien ceux qui sont dans les cieux, les habitants des cieux et de la terre. C'est pour ça que beaucoup de savants, ils ont dit que l'énoncé fis sama et wal ard, c'est ce qui est pris en considération que tous ceux qui sont ces serviteurs pieux et vertueux, qui sont dans les cieux ou bien sur terre, eh ben, ces invocations-là vont les atteindre. Parmi les bienfaits et les enseignements profitables, on a la raison pour laquelle ça a été appelé at-tashahhud. Regardez maintenant la raison. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela at-tashahhud? Certains sont dit parce que il y a bien la mention, l'importance ici de la mention de ash-shahadatayn. Ash-shahadatayn. On fait l'attestation qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc vous avez vu, on conclut avec l'attestation, les deux attestations. Donc il y a kalimat la ilaha illallah. Il y a la parole la ilaha illallah dans at-tashahhud. De ce fait, comme il y a la mention de cela, certains savants disent pour cela, c'est nommé at-tashahhud. C'est nommé at-tashahhud. Donc ça, c'est l'origine de l'appellation de at-tashahhud. Et parmi les autres éléments profitables, regardez. Regardez, observez bien une faïda. Le fait que at-tashahhud, certains savants ont observé, ils ont dit, regardez, le tashahhud est fait à la fin. Donc on dit, pardon, ash-shahadatayn, les deux attestations, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ou ashhadu an la ilaha illallah, lorsqu'on fait, on dit, et je témoigne qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah, ou ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, une traduction relative. On voit que ça vient à la fin du tashahhud. Et là, certains savants, ils ont déduit de cela qu'il est bon donc de terminer certaines actions, nos actions, par ash-shahadatayn. De conclure, de parachever nos actions par ash-shahadatayn. Isharatun an al-a'mal tukhtam bi-shahadatayn. Le fait que les bonnes actions sont conclues et parachevées par Ash-shahadatayn, les deux attestations deux fois. Le témoignage deux fois, si vous voulez, on peut l'appeler comme cela. Et c'est pour cela, regardez, qu'est-ce qui nous est demandé aussi? De terminer cette vie par Ash-shahadatayn. De terminer cette vie en disant La ilaha illallah. Le prophète dans le hadith, vous avez, il dit Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Que celui dont sa dernière parole sera La ilaha illallah, il rentrera au paradis. Donc le fait de conclure avec cette parole toujours de la parole du tawhid, l'attestation que il n'y a nul d'adoré véritable si ce n'est Allah. Aussi parmi les enseignements profitables aussi, les savants disent qu'il y a une preuve ici. Et ce tashahhud dénote aussi les deux conditions pour l'acceptation des actions. Les deux conditions pour l'acceptation des actions qui sont el-ikhlas ou el-mutaba'a. El-ikhlas ou el-mutaba'a. Pourquoi? Parce que lorsque à la fin du tashahhud, on va témoigner avec ces deux attestations-là, et bien les deux attestations, la ilaha illallah, dénote l'ikhlas et la sincérité, puisqu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah. Donc c'est à lui qu'on voue nos adorations. Donc ça sous-entend l'ikhlas. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ensuite, on témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Et ça dénote al-mutaba'a. Donc on voit bien qu'ici, pour l'acceptation de toutes nos actions, il faut deux conditions. Si ces deux conditions ne sont pas présentes et existantes, il n'y a pas d'acceptation de l'œuvre et de l'action. Pour l'acceptation et la validité de l'action, il faut être sincère premièrement, et il faut que cette action soit en conformité et en cohérence avec la tradition et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Si l'action est faite avec sincérité, sans qu'elle soit en conformité et cohérence avec la sunna du prophète, elle n'est pas acceptée. Par contre, si l'action est faite avec la conformité, elle est en conformité et elle suit les enseignements du prophète, par contre, elle n'est pas faite avec sincérité, celle-ci aussi n'est pas acceptée. Il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah, cette action-là, et il faut qu'elle soit en conformité avec la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parmi les enseignements aussi profitables que nous mentionnent les savants concernant ce tashahhud, ils disent, regardez le récit qu'on avait déjà mentionné à partir du Al-Muwatta de l'imam Malik, que Omar l'a enseigné sur le minbar. Les savants ont déduit que ça prouve que le minbar, le jour du vendredi, lorsque l'imam prêche et fait le prêche du vendredi, ça prouve que le minbar, on doit l'utiliser pour enseigner aux gens les choses de leur religion et les choses et les enseignements importants de la religion. Pourquoi? Parce que regardez, en pleine khutba du vendredi, fa khataba Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu an-nas bi ta'lim at-tashahhud. Regardez, lui, Omar ibn al-Khattab, le vendredi, il leur a enseigné at-tashahhud en plein vendredi, pendant les prêches du vendredi. Et ça prouve que donc le minbar, la chair du vendredi, on doit l'utiliser pour enseigner aux musulmans. Parmi les enseignements aussi qu'on tire du tashahhud, donc il y a de nombreuses questions que la majorité des savants considèrent, après c'est les formules qui nous ont été enseignées des compagnons, alors ils considèrent qu'on ne doit pas la faire précéder par al-basmala. La majorité des savants considèrent donc que lorsqu'on est assis, on va commencer al-tashahhud, on ne doit pas la faire précéder par al-basmala, ne pas dire bismillah et ensuite faire al-tashahhud. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Puisque, comme on l'a dit précédemment, ils disent qu'on ne doit pas la faire devancer. Dès qu'on est assis, on ne la fait pas devancer par une parole. Et ensuite, ils disent que dans la formulation qui nous a été enseignée par les compagnons, la basmala, le fait de dire bismillah, n'a pas été mentionné. C'est pour ça que l'avis de la majorité des savants, c'est qu'il ne faut pas la faire précéder par la basmala. Vous avez vu ça? C'est beaucoup, beaucoup. J'ai résumé, hein. J'ai vraiment résumé pour que ça soit court. Sinon, il y a de nombreux enseignements. Certains savants, comme on a dit, certains ont évoqué une soixantaine d'enseignements profitables par rapport au tashahhud. Et de ce fait, comme on l'avait dit hier, le statut, le jugement religion concernant at-tashahhud, beaucoup de savants considèrent qu'il est obligatoire. Une grande majorité de savants considèrent dans la prière qu'il est surrogatoire, qu'il est sunna, donc qu'il faille le faire. Et c'est vraiment quelque chose de très important, que ça fait partie de la prière. Et ils considèrent que c'est sunna, que le statut, le jugement religieux du tashahhud, la majorité, al-jumhur, al-ulama, considère qu'il est sunna. Et beaucoup d'autres savants considèrent qu'il est obligatoire, que son statut est obligatoire. Et c'est l'avis de savants qui sont d'obédience shafi'ite, donc c'est l'école, hein, shafi'ite, et de beaucoup de savants, aussi autres savants, qui sont d'obédience, par exemple, Hanbalite ou autre, considèrent que c'est obligatoire, que ce tashahhud est obligatoire, et beaucoup de savants contemporains, comme par exemple, c'est l'avis de Cheikh Ben Baz, c'est l'avis, par exemple, qu'on peut comprendre de Cheikh Al-Albani, dans son livre Sifat Salat al-Nabi, et d'autres grands savants. Ils considèrent, et ce qui prouve son obligation, il se base sur le fait que le prophète, lorsqu'il a enseigné à ses compagnons, il a dit « Koulou », le terme « Koulou », donc l'impératif de dire, et cet impératif sous-entend et induit l'obligation. Et aussi, il s'appuie sur le fait que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il nous est rapporté que lorsqu'il a omis de le dire, oublié de le dire, il est rapporté qu'il y a eu les deux prosternations de la distraction. Et les deux prosternations de la distraction, on les fait pour les obligations qui ont été manquées, les obligations qui ont été manquées dans la prière. Et aussi, il se base aussi sur celui qui avait mal fait sa prière, le prophète sallam. Il est mentionné dans le récit de Moussi as-Salah, celui qui avait mal accompli sa prière, que pour cela, il a dû le refaire cela. Il a dû refaire cela. Le prophète sallam lui avait ordonné de refaire sa prière. Donc revenez au récit pour celui qui avait mal, le récit qui est connu, hein, concernant celui qui avait mal accompli sa prière et dont le prophète lui avait dit de revenir. Par rapport à ces trois preuves qu'on a mentionnées, beaucoup de savants disent donc qu'il est obligatoire. Pour cela, s'il est obligatoire, les savants considèrent par rapport à cela qu'il est pas permis de l'omettre dans la prière. Et ça, c'est très important. Et ils considèrent donc que celui qui a omis, ou plutôt qui ne l'a pas fait, qui n'a pas dit le tashahhud d'une manière volontaire, donc volontairement, il n'a pas dit at-tashahhud dans sa prière, alors qu'il connaissait, qu'il avait la connaissance, en toute connaissance de cause, il n'a pas dit at-tashahhud dans sa prière, et cela de manière volontaire, alors beaucoup de savants considèrent que sa prière est nulle, et sa prière est pas valable. Celui qui volontairement délaisse at-tashahhud dans sa prière, alors qu'il a la connaissance, en toute connaissance de cause, il considère que sa prière est batil, est batil. Contrairement à celui qui ne l'a pas fait par oubli, par exemple, ou par insouciance, par distraction. Celui, par exemple, qui l'a fait par oubli, ou bien qui ne connaissait pas, un débutant, par exemple, une personne qui ne connaissait pas le jugement du at-tashahhud, qu'il fallait dire at-tashahhud dans la prière, il ne savait pas que cela était obligatoire, ou il ne connaissait pas toute la jurisprudence par rapport au tashahhud. Ou bien une personne qui l'a oublié. Donc on a celui qui n'a pas la connaissance, al-jahil, ou bien on a celui qui savait, qui connaissait le caractère religieux et le jugement religieux du tashahhud, mais lui, il l'a oublié. Donc lui, c'est différent. Son jugement, il est différent. Pour réparer cela, donc, les savants disent qu'il faut faire deux prosternations. À la fin de la prière, il faudra faire deux prosternations, comme on l'avait mentionné dans la dernière allocution. Et donc, vous avez vu, tout ça, c'est des enseignements tiré justement du at-tashahhud. Maintenant, on a une autre question aussi qui va être soulignée. On va terminer avec cette question très importante que va mentionner Cheikh Ibn Al-Thaymin, justement, le fait d'employer le terme sayyid. Le fait d'employer le terme sayyid. Vous savez, beaucoup emploient le terme sayyid lorsqu'ils font at-tashahhud. Ainsi, on va terminer avec une dernière question. Une question que va mentionner Cheikh Ibn Al-Thaymin ici. Et en même temps, Inch'Allah, ce sera la conclusion du chapitre. Donc, on va terminer aussi bien la question et l'étude du Tashahhud avec cette question-là que va soulever Cheikh Ibn Al-Thaymin. Et ça sera la conclusion aussi de ce chapitre. Comme ça, dans la prochaine allocution, dans le prochain cours, Inch'Allah, on commencera, bihawlillahi jalla wa ala, un nouveau chapitre. Faqala Cheikh Ibn Al-Thaymin, pour conclure ici, pour terminer, une question très importante liée au Tashahhud. Et dit Mas'ala, Ba'd an-nas fit tahiyyat, yaqoul, اللهم صل على سيدنا محمد فهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سيدنا محمد أنه قال سيدنا محمد فقال الجواب قول قائل أو قول القائل اللهم صل على سيدنا محمد لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة وهو استدراك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الصحابة لما قالوا كيف نصلي عليك لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد ولم نعلم أن أحدا من الصحابة كان يقول اللهم صل على سيدنا محمد فليس لنا أن نزيد على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه كفاية لأن في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاية فالجواب الشيخ ابن عثيمين يعني واضح لما قال ولا ينبغي ولا يصح ولا يستقيم وهو استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد ولم نعلم أن أحد من الصحابة كان يقول اللهم صل على سيدنا محمد فليس لنا أن نزيد على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه كفاية وانتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Donc en traduction très très rapide pour terminer. Alors la question c'est, Cheikh il dit, est-ce que dans le tashahhud, lorsqu'on salue le prophète, on invoque pour le prophète, est-ce qu'on peut dire de cette manière, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ô Seigneur, prie sur notre prophète, maître, en rajoutant Sayyidina. Sayyidina qu'on traduit de manière relative, hein, littérale, maître. Ô Seigneur, prie sur notre maître, Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Et beaucoup emploient ce terme en disant As-Sayyid. Ala Sayyidina Muhammad. Donc, est-ce qu'on peut rajouter ce terme Sayyid en disant Ô Seigneur, prie sur notre maître, Muhammad. Al-Jawab, la réponse, Cheikh nous dit, celui qui dit cela, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, celui qui implore de cette manière, en disant Ô Seigneur, prie sur notre maître, Muhammad, il dit cela n'est pas valable. Et ce n'est pas Mustaqim, et il dit, wala yanbaghi, et ça ne convient pas. Il dit, ça ne convient pas. Et il dit, c'est même plus proche de l'innovation que de la sunna. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen considère que cette formulation, cette manière de dire, c'est plus proche de l'innovation que de la sunna. Il dit, wa huwa istidrakun ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala sahaba, lamma qalu kayfa nusalli alayhi. Et il dit, ça serait comme si reprendre les compagnons, ça serait comme si reprendre le prophète et les compagnons, puisque lorsqu'ils ont interrogé le prophète au sujet de la manière de prier sur le prophète, ils ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, comment est-ce qu'on prie sur toi? Le prophète leur a dit, Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Le prophète leur a dit, Ô Seigneur, prie sur Muhammad. Donc le prophète leur a enseigné de cette manière. Et dit, et il nous est pas rapporté, on ne connaît pas que un parmi les compagnons du prophète, qu'un compagnon du prophète, aurait formulé de cette manière en disant Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ô Seigneur, prie sur notre maître Muhammad. Il dit, Falay salana an nazid ala ma allamana Rasulullah. Donc il dit, il ne convient pas à nous de rajouter sur ce qu'a enseigné, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen dit que cela, on ne doit pas l'utiliser, on ne doit pas dire cela et invoquer de cette manière, puisque ça ne nous a pas été enseigné par le prophète. Et dit, et les compagnons aussi, il ne nous est pas rapporté parmi l'un d'entre eux qui aurait dit cela. Donc ça, vous avez vu, c'est la manière de faire les salutations et d'invoquer sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a répondu Cheikh Ibn Uthaymeen? On va rajouter pour terminer, juste une question maintenant de le dire d'une manière générale, d'utiliser ce terme d'une manière générale. As-Sayyid. D'une manière générale, Cheikh Ibn Baz a une fatwa justement où il va expliquer cela. Il va expliquer cela que d'une manière générale, donc là ce n'est pas dans la salutation sur le prophète, ce n'est pas dans l'invocation sur le prophète, mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut utiliser le terme en disant As-Sayyid? As-Sayyid, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer, pardon, Cheikh Ibn Baz va expliquer d'une manière générale, dire que Nabi Sassam c'est Sayyid, Sayyiduna, par exemple, il dit cela est permis. Il dit cela est permis puisque dans des récits, il est mentionné, il est dit que Nabi Sassam ou Sayyid waladi Adam, alayhi salatu wassalam, que c'est le maître des enfants de Adam. Donc le fait de dire que le prophète Sassam d'une manière générale c'est le Sayyid de cette communauté, par exemple, ou le maître des enfants de Adam, cela est permis d'une manière générale, puisque dans un hadith, le prophète sallam dit Ana Sayyid, waladi Adam. Moi, je suis le maître des enfants de Adam, wala fakhr. Et aussi, il est rapporté dans un autre récit que le prophète avait décrit l'un de ses petits-enfants, Al-Hassan, en disant Hada Sayyid, que celui-ci est un maître. Sauf que beaucoup de savants, lorsqu'ils disent avec le alif wal lam, lorsqu'on dit essayer d'une manière absolue, ça c'est que pour Allah. Ça c'est que pour Allah. Lorsqu'on dit essayer le maître d'une manière absolue, essayer, ça c'est que et c'est spécifique et particulier à Allah. Parce que dans un hadith aussi, il nous est rapporté du vivant du prophète sallam que les gens avaient dit au prophète Anta Sayyiduna, ô messager d'Allah, tu es notre maître. Tu es notre maître. Et là le prophète avait dit essayer. Allah, le maître, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, il dit que le prophète ici voulait fermer toute voie, obstruer toute voie menant vers le polythéisme. Donc il a eu peur que les gens, il a craint que les gens ensuite exagèrent au sujet de sa personne et au sujet du prophète ensemble. Donc le prophète ensemble leur a interdit cela, il leur a dit le maître, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, est-ce qu'on peut l'utiliser en disant que le prophète Hua Sayyiduna est notre maître, dans le sens que c'est notre imam, imamuna, ou khayruna, dans le sens que c'est le meilleur d'entre nous, c'est notre imam, Hua Sayyiduna, c'est notre maître. Il dit, Cheikh Ibn Baz dit que cela est permis, que cela est permis. Sauf que d'une manière absolue, vous avez vu, parce qu'il est annexé. On dit Sayyiduna, c'est notre maître. Par exemple, on voit qu'il est annexé. Par exemple, il est permis de dire, par exemple, le maître de la maison, Sayyidul Bayt, Sayyidul Qawm, Sayyidul Qabila, par exemple, lorsqu'on dit le maître de la tribu, le maître du clan, le maître du peuple, des habitants de cette cité, il est permis, comme c'est rapporté dans d'autres récits. Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit par exemple, si on dit, il y a un mudaf, comme on dit en arabe, lorsque c'est annexé, on dit le maître de la maison, par exemple, le maître du peuple, comme on a dit précédemment, le maître du clan ou de la tribu, il dit Sayyidu Qabilatina, par exemple, cela est permis. Que cela est permis. Sauf que d'une manière absolue, le maître, d'une manière absolue, est Sayyid, vous avez vu avec l'article, l'alif lam, ça appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en ce qui concerne d'une manière très, je vous ai fait d'une manière très sommaire, on pourra plus la détailler si vous voulez, mais d'une manière sommaire, donc cela est permis de l'utiliser lorsqu'il est annexé. Lorsque, comme il est dit, Amma idha qila ala sabil al-idafa, comme on a dit, idha qila ala sabil al-idafa, cela est permis lorsque c'est annexé. Le maître de telle maison, le maître de ce peuple, le maître de ce clan, le maître de cette tribu, le maître de cette cité, cela est permis. Lorsque c'est des croyants. Par contre, Cheikh Ibn Baz à la fin nous dit wala yuqal hada lil kafir wala al munafiq wala al asi. Par contre, on n'emploie pas ce terme pour le kafir, le mécréant, ou bien al munafiq, l'hypocrite, ou bien le désobéissant, al asi, le pervers. Lakin hada wa inna ma yuqal hada lil shaykh al kabir. Par exemple, ça peut se dire pour un shaykh, un grand shaykh, ou lil faqih, un juriste, un alim, un grand savant. Al-Ra'is, al-Ma'ruf bil-Islah, wal-Khir, wal-Hilm, wal-Fadl, wal-Jud, par exemple. Wa idha qila li haoula Sayyid, fala bas. Donc il dit pour cela, par exemple, il est permis de dire Sayyid, ce terme peut être employé. Vous avez vu, ça, c'est des nuances. C'est des nuances à prendre en considération. On va se quitter sur ça puisqu'on a un peu tardé. On essaiera de moins tarder dans les prochaines allocutions, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci.